Les diamants du tsar par Gaston Charles Richard. Chapitre 1er. Au temps de leur splendeur, les tsars de Russie, monarques généreux, avaient coutume de donner à ceux qu'ils honoraient de l'un quelconque de leurs grands ordres les insignes de cet ordre ornés de pierres précieuses et de brillants. Aussi, certains de ces insignes, tels les colliers de l'aigle blanc ou de Saint Alexandre Nevski, valaient-ils une fortune. Nicolas II ne manquait pas à la coutume, peut-être même, dans l'espoir de grouper un plus grand nombre de fidèles autour de son trône chancelant, se montrait-il plus généreux que ses devanciers, aussi était-il un client de choix pour les lapidaires et les joailliers. L'un de ceux-ci, le fameux Morozov, avait en 1914, au mois de janvier, commandé pour le compte du tsar un certain nombre de diamants, d'émeraudes et de rubis à ses fournisseurs d'Amsterdam. Leur valeur s'élevait globalement à une trentaine de millions, et toutes ces belles pierres étaient destinées à paver les plaques et les croix des grands ordres qui, selon la coutume, à l'occasion des Pâques orthodoxes, le tsar de toutes les Russies devait remettre à ses aimés féaux et braves serviteurs, aux grands dignitaires ecclésiastiques ainsi qu'à un certain nombre d'ambassadeurs. Or, quelques jours après l'expédition de ces pierreries, Elsa von Legels vit arriver chez elle à Londres un personnage fort distingué qu'accompagnait un agent d'assurance qu'elle connaissait bien. « Miss von Legels, dit l'agent, permettez-moi de vous présenter le comte Ivan Pavlovitch de Nijnikov, courrier personnel de Sa Majesté le Tsar, qui désire avoir recours à vos bons offices. « Je vous les accorderai bien volontiers si je le puis, dit la jeune femme. « Asseyez-vous, messieurs, et dites-moi de quoi il s'agit. » « Il s'agit, répliqua l'agent d'assurance, d'un groupe de diamants et de pierreries que l'un des employés du syndicat des diamantaires a remis à Berlin à M. de Nijnikov intact et auquel, avec une habileté infernale, on a substitué un autre groupe, en tout semblable au premier, mais rempli de cailloux, de papier et de morceaux de briques. Comme il s'agit d'une trentaine de millions, ma compagnie, avant de payer, voudrait savoir s'il ne serait pas possible de remettre la main sur tout ou partie de cet envoi. Dans quelles conditions le vol s'est-il produit ? Demanda Elsa, en s'adressant au gentilhomme russe. Je n'en sais rien, ma foi, fit celui-ci. Le groupe était dans une valise en cuir verni. La valise en cuir verni a été gardée, dans un compartiment de sleeping car entre Berlin et Amsterdam, par un employé supérieur du syndicat des diamantaires et par un gardien assermenté et armé. L'employé se nomme Karl von Rössler. Le gardien est un certain Joseph Wiggans, né en Hollande, mais d'origine autrichienne. Tous deux sont insoupçonnables, de probité absolue, depuis plus de 20 ans au service du syndicat. M. von Rössler a été mon compagnon entre Berlin et Saint-Pétersbourg, car selon des ordres précis, je devais prendre en charge M. von Rössler et son colis pour lui éviter les ennuis du passage des frontières à Eidkühnen-Wirbalen. « Et Joseph Wiggans ? » demanda Elsa. « Il nous a quittés à Berlin, les mains vides, n'ayant avec lui que son Browning et un méchant sac de voyage qui ne contenait que son linge de nuit et une vieille trousse de toilette. « Êtes-vous bien certain que la substitution n'ait pu avoir lieu qu'entre Berlin et Saint-Pétersbourg ? » « Je ne suis certain de rien. » Mais von Rössler et le garde Wiggans affirment que nul n'a touché au groupe, que l'un d'eux l'a toujours eu sous les yeux, entre Amsterdam et Berlin, et les plombs de la valise étaient intacts quand on l'a ouverte devant moi pour me monter le groupe, scellé et cacheté, couché sur son lit de fibres de bois et de vieux journaux. « Voyons, voyons, » fit Elsa, « vous parlez d'un groupe et d'une valise. Le groupe, d'abord, comment était-il fait ?»« En cuir de bœuf. C'est une espèce de rouleau fermé aux deux bouts par deux rondelles de cuir à semelle, solidement cousues, munies d'une patelette en cuir plus mince, qui permet de clore hermétiquement le groupe en l'enroulant deux fois sur elle-même. Cette patelette est percée de 3 trous à œillets qui permettent de passer les solides ficelles en fil de fouet qui servent à fermer le groupe. Sur les croisements de ces ficelles et sur le nœud central, il n'en faut faire qu'un, on coule de la cire sur laquelle on appose un cachet. C'est ainsi que l'on expédie toutes les matières précieuses et souvent l'or monnayé. « Je comprends, » dit Elsa. « Et la valise ?» C'était une valise en cuir noir verni d'excellente qualité, munie de 2 bonnes serrures en cuivre nickelé, et achetée la veille par M. von Rössler chez le meilleur fabricant de malles d'Amsterdam. Où est actuellement le groupe substitué à celui qui contenait les pierres? Entre les mains de la police russe, naturellement. Mais si vous le désirez, je puis demander qu'on le réexpédie ici. Où sont messieurs Van Rossler et Wiggins? À Amsterdam. Faites réexpédier le groupe et la valise à Amsterdam, et veuillez me prévenir dès qu'ils seront parvenus au syndicat, dit Elsa. J'irai mener une petite enquête sur place. Je prends dès maintenant l'affaire en main.